écrasés sur les joues, parés d'abcès monstrueux, avec dans les cheveux des scorpions, des hannetons, un crabe même. Elle m'injurie, crachant, bavant, bavant, crachant, crachant, bavant, me menace de son unique main aux longs doigts terminés par des griffes. Elle danse un pas obscène, soulevant ses hardes pour découvrir, suspendues à des jambes de squelettes, des débris rouillés d'appareils chirurgicaux. À peine un peu moins gracieuse dans le fandango qu'elle exécute. Quelle odeur, quelle odeur. Assaillie jusque dans mon propre lit, j'ai beau me défendre. Elles ont au fait de me renverser, et chacune de prendre sa place, et son plaisir, jusqu'à ce que je vomisse, jusqu'à ce que je vomisse. La chemise déchirée, le corps piétiné, je rends grâce. Elles abandonnent la place. Mon père, qui n'attendait que cela, apparaît dans l'entrebâillement de la porte, poussant devant lui le professeur de mathématiques. À son avis, me voilà purifié, me voilà purifié, l'esprit dégagé des poisons d'en bas, tout prêt à recevoir l'enseignement des nombres. Vous avez là une curieuse vision des femmes. Leur absurdité totale me comble. Leur absurdité totale me comble. Leur absurdité totale me comble. Conseille par exemple aux jeunes gens de violer une aveugle, de faire la fête. Ouais, c'est encore le meilleur moyen. Liquide 800 plus 06 à 4. d'alcool 657 plus 02 AVS 564 plus 2,6 AXA 1257 moins 1 2 compagnie bancaire 472 50 moins 06 Bouygues 671 inchangé BSN 982 inchangé Canal Plus 1358 plus 2,4% Capgemini Sogic 895 46 55 Cargo Metal Box 222 10 moins 6 Carbo 215 plus 54 Casino 35 moins 2,7, groupe André 720 plus 03, Havas 474 plus 06, Lafarge 335 80 moins 1 2, Legrand 4560 plus 1, LVMH 3280 moins 1,1, Lyonnaise des Odunaises 454 20 inchangé, Matra We have had some technical problem. We have had some technical problem. Étant donné que nous entrons dans une civilisation de l'image, nous devons maintenant apprendre à regarder. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Triomphe du béton, triomphe de l'homme. Par cette cité nouvelle de Vaux-en-Velin, les hommes imposeront leurs mesures. La vie nouvelle de Vaux-en-Velin, elle pousse comme un beau champ de blé après le long temps des labours. Le passé recule, l'avenir s'avance. Et brusquement, c'est l'accident. Une fraction de seconde, la scie a coupé la chaussure de Philippe et tranché son pied jusqu'au tendon d'Achille. Affolé, il recule et renverse le bidon d'essence qui l'asperge. Christophe se transforme en torche vivante. Il souffre atrocement. Laurent est en train de brûler vif sous leurs yeux. Le tissu du pantalon est resté collé sur la peau de Stéphane. Sa souffrance est intolérable. Aussitôt, Maurice se précipite. Tout va très vite. L'arme glisse, le coup part à bout portant. Touché de plein fouet par la balle de gros calibre, Jacques s'effondre. Complètement affolé, Christian s'élance vers son ami qu'il vient d'abattre. Et voilà. Mais soudain... Voici un cocktail bien parisien, comme on dit. Mais ce n'est pas un cocktail comme les autres. À celui-ci, notre ami, votre ami Guy Lux, reçoit la médaille de la courtoisie française. Et c'est la chute. Une chute terrible. 5 cm de trop et tout bascule. En un instant, Robert Mounier est entraîné dans la bande. Emporté par la vitesse, il tente désespérément de ralentir sa chute, mais en vain. Effroyable. 60 mètres de chute qui n'en finissent pas. René Gauthier vient de s'empaler sur les fers à béton qui hérissaient le fond du trou. Mais pour se reposer des festivités parisiennes, Guy Lux a eu l'idée d'organiser et d'animer une sorte d'internet privé. Mais soudain... Albert tente tout pour le tout, et c'est le carnage. Chaque seconde qui passe est un défi au temps, à la mort, au destin. Le passé recule, l'avenir s'avance. Et brusquement. Le président du RPR, Jacques Chirac a dérapé pour une raison inconnue. Il a ensuite traversé la chaussée, heurté un mur avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Il adopta le style New Orleans au contact Palavas des flots. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre devant plusieurs dizaines de milliers de militants et les blessés affluent des villages voisins. Sur place, c'est toujours l'émotion qui prédomine, le temps de déterminer si les expérimentations animales sont vraiment nécessaires. Enfin, l'arrivée du Quintet Plus, disputé à Auteuil, 7... Mais soudain... Pour une fois, on a un très beau temps, parce que d'habitude il pleut, et là on a un temps merveilleux. Pas toi, pas toi. Voilà toutes les conditions réunies pour une super fête. Et brusquement... Faut-il, en terminant, élargir un peu notre sujet ? Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Mais n'est-ce pas là pure géométrie ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Mais n'est-ce pas là pure géométrie ? notre série Les grands secrets de la grande littérature française, nous vous présentons le secret de George Sand. George Sand. George Sand, la célèbre romancière du 19e siècle après Jésus-Christ. George Sand, malgré ses nombreux et célèbres amants, George Sand avait un secret, un fardeau, une tare. George Sand était un glaçon, un iceberg, un igloo, un trou tout froid, tout glacé. George Sand était frigide. Et Chopin, qui lui était un chaud lapine, affublé d'un sobriquet ridicule et quasi surréaliste vu l'époque, mais qui aujourd'hui prend une toute autre signification. George Sand était frigide et Chopin la surnommait Georges Fraîche. Minuit 5. La radio signale le vol d'une voiture. Quatrième stop. Il sera exactement... grande leçon d'humilité. Qui avait oui.